Genèse chapitre 7. Et l'Éternel dit à Noé, entre, toi, et toute ta maison, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi en ce temps-ci. Tu prendras de toutes les bêtes naissantes de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont point nettes, un couple, le mâle et la femelle tu prendras, aussi des oiseaux des cieux et de chaque espèce, le mâle et sa femelle, afin d'en conserver la race sur toute la terre. Car dans 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre toute chose qui subsiste, laquelle j'ai faite. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Or Noé était âgé de 600 ans, quand le déluge des eaux vint sur la terre. Noé donc entra, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, dans l'arche, à cause des eaux du déluge, des bêtes nettes, et des bêtes qui ne sont point nettes, et des oiseaux, et de tout ce qui se meut sur la terre. Elles entrèrent deux à deux vers Noé dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Dieu avait commandé à Noé. Et il arriva qu'au 7e jour, les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les bondes des cieux furent ouvertes, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour Noé, et Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, entrèrent dans l'arche, avec la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, et toutes les bêtes selon leur espèce, et tout bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, et tout petit oiseau ayant des ailes, de quelque sorte que ce soit. Il vint donc de toute chair qui a en soi esprit de vie, par couple à Noé, dans l'arche. Le mâle, dis-je, et la femelle de toute chair y vinrent, comme Dieu lui avait commandé, puis l'Éternel ferma l'arche sur lui. Et le déluge vint, pendant 40 jours sur la terre, et les eaux crurent, et élevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et s'accrurent fort sur la terre, et l'arche flottait au-dessus des eaux. Les eaux donc se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les plus hautes montagnes, qui sont sous tous les cieux en furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de 15 coudées par-dessus, et les montagnes en furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des bêtes à 4 pieds, et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Toutes les choses qui étaient sur le sec, ayant respiration de vie en leurs narines, moururent. Tout ce donc qui subsistait sur la terre fut donc exterminé, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, et jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent, dis-je, exterminés de dessus la terre, mais seulement Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche, demeura, de reste. Et les eaux se maintinrent sur la terre durant 150 jours.